And now listen for those new words and phrases in this next dialogue. Une chambre pour une personne avec douche. D'accord. Et c'est comme Monsieur Saville, oui? Comment? Pour 4 nuits. Oui, je crois. Monsieur Wickham, vous êtes en France... Oh, pardon. You are staying for how long? Till Friday. 4 nights. Oui, madame. 4 nuits. 4 nuits. Très bien. Une chambre pour une personne, avec douche, pour 4 nuits. Alors, monsieur, signez ici, s'il vous plaît. Sign? Oui, monsieur. Right. Merci, monsieur. So, at last, George has his room, a single room with shower. He's booked in for 4 nights, till Friday, when the food fair ends and he returns to London.